Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de La Chapelle. Préface. Peut-être que ces réflexions ne feront autant de plaisir à personne qu'à l'auteur, que j'y attaque. J'ai cru entrevoir, dans la lettre d'un théologien à un autre théologien sur le mystère de la Trinité, un homme qui se lasse d'être obscur, et qui veut faire parler de lui à quelque prix que ce soit. On ne pourrait donc le mortifier, plus cruellement, qu'en abandonnant son ouvrage à tout le mépris qu'il mérite. Ainsi je conviens qu'à ne considérer les choses que par rapport à lui, j'aurais mieux fait de garder le silence, et je souhaiterais fort qu'il eût été en mon pouvoir de le faire. Mais je me suis vu, comme forcé, par les circonstances, à tenir une conduite opposée. Quelqu'un anonyme, et par conséquent quelqu'un connu que soit l'auteur de la lettre, il a des amis qui paraissent. Sans parler de messieurs les journalistes de La Haye, qui semblent avoir pris son système sous leur protection, il y a eu, dans la même ville, une personne de caractère, qui s'est déclarée, pour ce système, avec beaucoup de chaleur. Ce dernier, m'ayant, en quelque manière, défié au combat, sous le prétexte des éclaircissements charitables que se doivent des frères, il ne me fut pas possible de reculer. Et presque aussitôt que la lettre à un théologien eut vu le jour, je me vis dans la nécessité d'écrire. Je me bornai pourtant à une seule objection, qui tendait, non à refuser le système en ses diverses parties, mais à montrer qu'il est moins une solution qu'une négation du dogme reçu dans l'Église. Comme la difficulté, que je poussais, était purement d'arithmétique, elle m'avait paru la plus propre à dissiper, ou à prévenir l'illusion que la lettre pouvait faire à certaines personnes. Cependant cet écrit, qui fut suivi de quelques autres, ne produisit point son effet, et le zélé partisan, du théologien anonyme, n'en fit usage que pour parvenir à ses fins, qui étaient de semer, à droite et à gauche, les nouvelles d'une dispute où je ne m'étais engagé que par un principe de charité pour lui seul. Mais il cherchait l'éclat, et il en fit tant qu'enfin la lettre, qui pourrissait chez le libraire, devint l'objet de la curiosité du public. Tout le monde voulut la voir, et la lire dans la fausse opinion, que le disciple de l'anonyme avait répondu, que j'avais répondu, dans les formes, à cette lettre, quantité de gens me faisaient l'honneur de me demander la réponse. Il est pourtant certain que ce que j'avais fait ne méritait nullement ce titre, et n'avait rien qui en approchât. Mais cela même me fit comprendre que l'on s'attendait que je fisse ce que l'on croyait que je devais avoir fait, et je me déterminai à l'impression, pour épargner, à l'avocat de l'anonyme, la peine de porter partout mes manuscrits, et à d'autres, celle d'en tirer des copies. Il serait sans doute très avantageux, à la cause, que je soutiens, qu'une main plus habile en eût entrepris la défense. Cependant comme cette cause est commune à tous les chrétiens, et que d'ailleurs elle intéresse fondamentalement l'Évangile, il n'y a point de pasteur, qui ne soit, également obligé de s'y prêter pour l'édification de l'Église, et ce sont ordinairement les conjonctures qui décident que ce soit celui-ci plutôt que celui-là qui le fasse. Après tout, le système, que je combats, est si faible, que ce n'est pas trop présumé de mes forces, que de me croire en état de le ruiner de fond en comble. À La Haye le 4 de novembre 1729, l'auteur a entre les mains les approbations nécessaires. Mark M. Dan, archive.org d'après books.google.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.